Section 66 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 66. Le 19e siècle. Comment Frédéric Pontaut, 30 campagnes, 20 blessures, ne devint pas maréchal de France. Par A. Robida. Chapitre 5. Le cimetière d'Asperne. Acculé dans un coin du cimetière d'Asperne, au pied du clocher dont le sommet se perd dans les tourbillons de fumée, parmi des tombes bouleversées, des amas de décombres, des poutres et des débris de toutes sortes, parmi les tas de cadavres français et autrichiens, le commandant Frédéric Pontaut, blessé d'une balle dans l'épaule et de deux coups de baïonnette, presque cloué au mur avec les 7 ou 8 hommes haletants et pour la plupart blessés qui lui restent, par un flot de grenadiers autrichiens animés par 8 heures de furieuse bataille, vient de jeter son sabre à l'ennemi. Il est pris, tâtant de temps à autre avec une grimace son épaule où de lancinantes douleurs commencent à percer le premier engourdissement après le choc de la balle. Le commandant regarde les Autrichiens serrés dans le cimetière, réparer hâtivement les brèches et se préparer à se défendre contre un retour des Français. Le clocher est déjà garni de tirailleurs qui, par les ouvertures d'où s'envolaient naguère les pacifiques appels des cloches, ouvrent un feu infernal sur les Français massés encore dans les jardins au bout du village. Dans la grande rue s'agitent comme une houle les bonnets à poils des grenadiers autrichiens et hongrois, les bouquets de plumes vertes des Tyroliens, les baïonnettes, les guidons, les drapeaux. Toutes les maisons s'emplissent de soldats, des officiers passent au galop. On entend le roulement saccadé des canons et des caissons et, par-dessus tous ces bruits, le tonnerre de la bataille enveloppant le village. Toujours maigre et sec, comme autrefois, la moustache blonde, tombante, le teint hâlé, Frédéric Pontaut est maintenant un vieux soldat. Il a 36 ans et 16 années de service. 12 ans se sont passés depuis sa première campagne en Italie avec Bonaparte, depuis sa deuxième rencontre avec le Hongrois Prassy. Bonaparte a eu de l'avancement, il est empereur, et ses armées, comme une marée furieuse, viennent encore une fois battre leurs flots contre la vieille maison d'Autriche. Soldat par occasion, Frédéric est devenu, comme tous les hommes de sa génération, soldat de métier. Il ne connaît plus d'autre existence maintenant que la vie des camps et des champs de bataille, les longues campagnes suivies de courts repos dans les garnisons. Pour lien de famille et pour relations sociales, il a à la camaraderie du régiment. Habitué maintenant à la permanence de ces guerres toujours entretenues au sud ou au nord, à l'est ou à l'ouest, il ne s'en étonne ni ne s'en inquiète. Il lui semble que c'est la vie ordinaire, le train habituel des relations internationales. La paix maintenant le surprendrait presque comme un phénomène social, comme une dérogation aux lois naturelles. Presque tous les anciens soldats de 92, partis pour la conquête de la liberté et de la paix, en sont arrivés là, à la place de l'ancienne idole, la liberté. Ils en ont élevé une autre, leur empereur, un terrible Moloch, auquel ils ne songent à refuser aucun sacrifice et pour le culte duquel les grandes hécatombes humaines leur paraissent très légitimes. Frédéric Pontaut n'a point tout à fait ce fanatisme. Il est indifférent et presque passif, emporté par le courant dans le tourbillon. Il va sans broncher, avec un fatalisme inconscient où le sort impérieux le conduit. S'il pense encore au village lointain et à Dean, si aimé, aux jours paisibles d'autrefois, c'est sans amertume. Le sacrifice accepté, il ne lui en est resté dans l'esprit qu'une vague tristesse, engourdie à l'ordinaire et ne se réveillant un peu que dans les passes mauvaises de son existence de soldat. Jamais il n'a revu Dean. Il n'a voulu profiter d'aucun congé pour aller embrasser son frère et sa belle-sœur. Il écrit plus rarement d'année en année et ne reçoit de leurs nouvelles que par de rares occasions. Comme tous les jeunes hommes d'alors, Pontaut s'est plié rapidement aux conditions nouvelles de la vie faite aux nations. Sous chaque Gaulois, il y a, si les circonstances l'exigent, un soldat. tel qui à une autre époque eut toute sa vie sans protestation au nez de la toile ou griffonné des paperasses, devenait colonel de grenadiers, général de cavalerie, sabreur ou stratégiste, un enleveur de places fortes, un chef de ses escadrons forcenés, enfonceur de carrés ennemis. Quelle éclosion spontanée de soldats admirables, de braves sublimes. Dans les premières années, ce fut une véritable griserie de toute une génération, une surexcitation de toutes les énergies physiques, un joyeux afflux sanguin, une dilatation de toutes les poitrines masculines. La vie à l'air libre, au grand soleil, le tumulte des armées, le culte de la force, l'ivresse de la gloire, la folie des panaches livrés au vent, des chamarrures couvrant tous les torses, des sabres traînant sur les pavés, enfin, la fringale de l'action à outrance emportant à travers la fumée une génération héroïque au bruit formidable des tambours avec les drapeaux claquant sous les hampes dans l'étincellement des baïonnettes. Et tous les cœurs remués et les retours solennels avec les arcs de triomphe, les harangues, les banquets et les femmes éblouies tombant dans les bras des vainqueurs. La belle existence, quand on pouvait durer, quand on ne tombait pas aux premières batailles, aux premières caresses sanglantes de la gloire. Mais la médaille avait son revers, il y avait les jours sombres, les batailles perdues, les retraites, les jours funèbres après les grands jours, après les musiques et les accords du beau Dunois, les râles de 50 000 hommes étendus par les blés écrasés ou dans les neiges rougies. Sans attache d'aucune sorte à aucun sol, toujours prêt, infatigable, rompu à toutes les nécessités, Frédéric Ponto est parfaitement à l'aise partout, aussi bien en ligne sous le feu que dans un logement réquisitionné chez quelques bourgmestres. Il évolue avec la même tranquillité dans la splendeur des uniformes de parade, aux revues de l'empereur ou des maréchaux, dans les bas de soie de la tenue de ville au bal des municipalités amies ou ennemies, devant les dames, en bottes boueuses dans les longues marches des campagnes interminables. Il conserve son calme et son humeur égale aussi bien dans la bousculade de la bataille que dans le tumulte et les mille embarras des armées en marche parmi les colonnes couvrant les routes, les trains d'artillerie, les fourgons, les ambulances, les voitures de vivres, les convois de prisonniers, les escortes des grands chefs, les estafettes, les fourrageurs se démêlant dans un tapage joyeux ou énervant, d'appels, de cris, de jurons, de querelles, de musique, de tambours et de clairons. Son avancement n'a pas été rapide. Ses chefs l'estiment pourtant, et quand ils ont besoin d'un officier audacieux pour un coup de main difficile, de nuit ou de jour, pour un coup de force dans une affaire douteuse, il est toujours choisi. Mais on le tient, à tort ou à raison, pour un boudeur, qui a conservé les vieilles idées républicaines au milieu des triomphes impériaux. Il a été de toutes les grandes guerres, après l'Italie et le Rhin, le Nil et l'Égypte l'ont vu, officier au régiment des dromadaires, prendre sa part de toutes les fatigues, des succès et des revers de la campagne. Rentré en France, la démonstration contre la vieille Albion au camp de Boulogne a fait battre son cœur, mais à défaut de la guerre anglaise, il a la guerre autrichienne. Il repasse encore une fois le Rhin, il voit Ulm, Vienne, puis se heurte aux Russes en Moravie, dans les marais d'Austerlitz l'année suivante. La Prusse reçoit à son tour le choc de Napoléon. Frédéric Ponto est dans les carrés de Davoust, sous les charges désespérées de la cavalerie prussienne à Auerstadt et sous la pluie de mitraille du cimetière d'Eylau. Du nord, un ordre du grand chef transporte l'armée au sud. L'Espagne sent tomber sur elle les bandes victorieuses de l'Empire, les armées cosmopolites réunies sous la main du maître de l'Europe, français, italien, belge, suisse, allemand, polonais. Le capitaine Frédéric Ponto, à l'enlèvement d'un paquet de maisons et de couvents crénelés, dans Saragosse défendue et arrachée morceau par morceau, reçoit dans le corps les balles de 10 tromblons. Il tombe, ne meurt pas tout à fait, est évacué en France et se trouve guéri juste à point pour reprendre encore une fois le chemin de l'Autriche et pour arriver en qualité de commandant de voltigeurs sous les murs de Vienne. Et il se trouve aujourd'hui, encore une fois, blessé, pris comme dans une ratière dans le cimetière d'Asperne, devant le Danube que l'armée française est en train de passer. Cette bataille, malheureuse pour Napoléon, prendra en France le nom de bataille d'Essling et en Autriche celui de bataille d'Asperne, en souvenir de deux villages pris et repris, perdus, regagnés et laissés enfin aux Autrichiens avec une population de cadavres suffisante pour remplir deux grandes villes. Le tumulte est à son comble dans Asperne, que les Autrichiens s'efforcent de mettre en état de défense. Les prisonniers, presque tous blessés et couchés dans un coin du cimetière, sous la garde de quelques hommes, voient passer des généraux, des cavaliers, des canons. On perce des trous dans tous les murs, on éventre des maisons. Au bout du village, la fusillade s'est tue subitement. Debout, devant le groupe des prisonniers, le commandant Ponto, soutenant son bras blessé, regarde quelques officiers supérieurs en conférence dans le cimetière. Un général, arrivé avec un peloton de cavaliers, parle avec animation et fait de grands gestes en montrant la rue. Un autre général, monté sur des pierres tombales, regarde avec une lorgnette par-dessus le mur du cimetière. Le général à la lorgnette saute en bas des pierres tombales et griffonne des ordres que des officiers emportent vivement. L'autre général tourne le dos et, après une poignée de main à son compagnon, s'en va doucement vers ses cavaliers en bourrant une grosse pipe qu'il a tirée de sa houppelande blanche. Frédéric Ponto, jusque-là très calme et regardant les préparatifs des ennemis comme un spectacle, tressaillit tout à coup. Brusquement, il écarta un grenadier autrichien qui le repoussait avec la crosse de son fusil. Il fit un pas en avant et, comme le général autrichien passait devant lui, il lui dit en portant la main à son front pour le salut militaire « Général Prasty, auriez-vous l'obligeance de me rendre ma pipe ?» À son tour, le général eut un sursaut d'étonnement. C'était bien le Hongrois du pont de Meinschenheim, le commandant de hussards du Tagliamento, que le hasard mettait pour la troisième fois en présence de Ponto. Il n'était plus fringant comme en 97. Il avait vieilli et grossi, et ses longues moustaches hongroises pendaient presque blanches. Prasty, devenu tout rouge, regarda un instant Ponto sans trouver un mot à répondre. « Comment, c'est vous ? » dit-il enfin. « Vous, Ponto, plus sergent ?»« Commandant, » répondit laconiquement Ponto. « Eh bien, commandant Ponto, mes félicitations. C'est donc vous qui teniez ce cimetière si dur à enlever, comme le pont de là-bas, hein ? Allons, une poignée de main entre si vieux ennemis. » « Et ma pipe ? » dit le rancuneux Ponto, avant de tendre la main. « La voici, parbleu. Je vous la rends de bonne grâce, mon camarade. Tenez, toute bourrée. » « Si je vous disais que j'ai eu souvent des remords de vous l'avoir enlevé autrefois, d'une façon un peu indélicate. Allons, je vous la cède, notre pipe. Vous ne me ferez pas grise mine. » Ponto fit un mouvement pour saisir la pipe de la main droite. Une violente douleur dans l'épaule lui rappela sa blessure. Il la prit de la main gauche et la regarda un instant. Rien de changé. Prasty avait respecté l'inscription. Ponto, 17 frimaires, en quatre. Le commandant flatté mit la pipe dans une poche sur sa poitrine et tendit la main au Hongrois. « Vous êtes blessé ? » dit celui-ci. « Blessé et pris, » répondit Ponto. « C'est mon tour aujourd'hui. Mais ce n'est rien. Une ou deux égratignures. »« Triste temps, » fit Prasty. « Hein ? Vous ne la chantiez plus, votre Marseillaise. C'est vous, maintenant, les féroces soldats de votre chanson. » C'est vous qui mugissez dans les campagnes des autres. Patience, votre maître tombera. Il sera culbuté comme nous le fûmes jadis. Mais je pars, excusez-moi, je retourne, mes hommes. Je vais donner des ordres pour que vous soyez traités convenablement. Après l'affaire, nous nous reverrons. Prasty chercha des yeux un officier, l'appela, lui dit quelques mots en montrant les prisonniers et sortit rapidement du cimetière. Les prisonniers restèrent quelque temps dans leur coin, serrés contre le mur par la masse des Autrichiens qui se rassemblaient sous l'église. Les effroyables grondements des batteries autrichiennes sur la droite d'Asperne, répondant aux canons français de l'île Lobau, faisaient trembler le clocher et vibrer tous les carreaux de l'église. En avant du village, la fusillade avait repris furieuse et elle s'étendait maintenant sur tout le côté gauche. Par instants, à travers le roulement, on entendait éclater de grands hurrahs dans la plaine et les tirailleurs du clocher s'étaient remis à tirer. L'officier à qui le général Prasi avait recommandé Ponto perça les rangs des grenadiers. « Mais die Franzosen, » dit-il en montrant la grande rue du côté des lignes autrichiennes, « mauvais par là, non passé, attaquez aussi, venez, irons dans l'église, volons-y !» Dans la petite église déjà dévastée par un premier assaut, des soldats entassaient des bancs, des meubles, des confessionnaux les uns sur les autres pour parvenir aux fenêtres. L'officier autrichien fit entrer ses prisonniers dans une sacristie en contrebas, éclairée seulement sur la nef, et rabattit sur eux les débris de la porte enfoncée précédemment. « Attends un peu ici, messieurs !» dit l'officier en saluant poliment ses prisonniers. Les prisonniers, presque tous blessés, s'étaient assis par terre, le dos au mur, la tête basse, et écoutant d'un air inquiet le fracas de la bataille. Ponto marchait à grands pas devant eux ou regardait dans l'église par la porte brisée. Tout à coup, 5 ou 6 obus arrivèrent en même temps dans le clocher. Des morceaux de la voûte tombèrent et l'église s'emplit de fumée. On entendait crier des ordres au dehors. Des pas précipités de colonnes en marche retentissaient sur le pavé de la rue. Puis la fusillade éclata par feu de peloton au dehors à coups irréguliers dans l'église. Quelques prisonniers inquiets s'étaient rapprochés de Ponto. « Chut, ne bougez pas !» dit celui-ci. « Tâchons de nous faire oublier !» Tout à coup, résonnèrent, à très peu de distance, les roulements de la charge battue par des tambours français. On distingua un tumulte effroyable au dehors, des cris, des commandements dans les deux langues, puis les tirailleurs de l'église sautèrent en bas de leurs fenêtres et gagnèrent une petite porte du côté opposé au cimetière. L'église resta un moment silencieuse et vide. Seuls des morts restaient et quelques blessés qui se rangeaient dans les coins. Soudain, dans la baie de la porte donnant sur le cimetière, une baïonnette étincela, un shako se montra et quelques fantassins français surgirent brusquement. Ponto, d'une poussée, ouvrit sa porte. « Vive l'empereur !» crièrent les blessés derrière lui. Aspern était repris. Dans le cimetière où les cadavres étaient plus nombreux, les Français réparaient à leur tour les brèches des murs. Des colonnes poussaient en avant par la grande rue dans une confusion terrible avec des cris, de longs hurrahs. Les soldats aux figures enflammées, serrés les uns contre les autres, passaient et disparaissaient. Le bruit de la charge battue par tous les tambours réunis remontait le village et couvrait par instants le tapage de la fusillade un peu éloignée. On faisait filer en arrière des prisonniers et des blessés. Des canons avançaient à grand-peine dans la cohue furieuse. Du perron du cimetière, Ponto cherchait son régiment. Ses yeux tombèrent sur un groupe de 4 hussards autrichiens portant sur des branchages un homme couvert d'un grand manteau taché de sang. Il eut un pressentiment et s'avança. Le blessé était Prasi. Comme les hussards le déposaient dans le cimetière juste à la place où, moins de 2 heures auparavant, il avait rencontré Ponto, il ouvrit les yeux et reconnut le commandant. « Je vous avais dit que nous nous reverrions, » dit-il avec un sourire triste. « Mais c'est la dernière fois. J'ai mon affaire. C'est fini. Je ne chargerai plus avec mes braves hussards. La pipe est bien à vous cette fois. N'importe. Votre empereur, malgré ses victoires, tombera. J'aurais voulu voir la fin. » Ponto serra la main du pauvre Prasi, qui faisait des efforts pour parler encore. Un reflux des troupes françaises le sépara du moribond. Il se trouva rejeté dans la mêlée, emporté comme une paille dans l'effroyable bagarre, parmi les incendies, les écroulements, la fusillade, les charges à la baïonnette et les hurlements de la bataille. Une terrible nouvelle circulait dans les masses délirantes. Le pont de l'île Lobau venait d'être détruit par les brûlots autrichiens. Ce qui avait passé de l'armée française devait se maintenir coûte que coûte, cramponné au village, pour n'être pas noyé dans le Danube. Fin de la section 66, lue par Sophie France à Veules-les-Roses en janvier 2025.